Je ne suis pas cool, les filles me refoulent, je reste chez moi, je bois. Je ne veux pas vous voir, je préfère boire, vous me faites chier. Je ne veux pas vous parler, vous ne comprenez rien, vous êtes con, et moi je suis con. Quand je fais des efforts pour vous parler, je n'ai rien à gagner, vous n'avez rien à m'apporter. Vous n'avez rien à dire, vous m'êtes pénible, vous n'êtes que des rouages au bon fonctionnement de la société. Et quand je vous vois, je reste poli, je reste sociable, mais ça m'est pénible. Et dès que c'est possible, je vous fuis. Et les filles, qui sont souvent jolies quand elles parlent, m'ennuient. Et les hommes aussi. Je cherche le moyen le plus certain pour mourir, pour vous fuir. En attendant, je lis, je regarde des films. Il y a quand même des gens intéressants, des fois même vivants. Il y en a même beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup que je rencontre. Il y en a même très peu, et je tiens à eux, et eux tiennent à moi. Mais ce n'est pas facile, car je ne suis pas cool. Je fais le contraire de ce que je devrais faire pour réussir et sortir avec une fille jolie, intéressante, jolie, gentille, intelligente, jolie. Et je tape sur ma tête pour la tendrir et je muscle mon cœur pour l'affermir. Mais c'est difficile.